travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Il n'a plus de visage, celui-ci. Regardez, encore un qui est mort en souriant. C'est monstrueux de pouvoir mourir avec le sourire. C'est inhumain. Quand on les regarde, ils ont pourtant bien l'air d'hommes normaux. À mon avis, c'est ce Pierre qui a dû les embêter. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, je vous retrouve ce matin en direct et en public du Salon du Livre et nous allons y parler des martyrs de la foi à travers les âges. Mourir en martyr, au nom de Dieu, cet acte évoque spontanément pour nous les terroristes islamistes qui portent le meurtre et compte tenu de l'horreur qu'ils suscitent, on est voué à hésiter devant le rapprochement que je vais vous proposer avec l'histoire du christianisme. Et pourtant, il existe à coup sûr entre ces deux mondes qui se sont si souvent affrontés une plage de recouvrement qui mérite d'être considérée, quelque attentif qu'on doive être, à la différence entre d'une part un martyr offensif impliquant une lutte active et assassine et d'autre part une attitude de défi, généralement non violent, contre les adversaires qu'on juge oppresseurs, infidèles ou hérétiques. Car dans les deux cas s'affiche le consentement au sacrifice de soi et parfois la quête même de ce sacrifice. Dans les deux cas, on découvre au travail la passion d'un monothéisme qui se porte à des extrémités revendiquées au nom d'une foi exclusive et intolérante envers toute autre conviction religieuse. Comme le disait récemment le pape François, pour trouver des martyrs aujourd'hui, je le cite, il n'est pas nécessaire de se rendre dans les catacombes ou dans le Colisée. Les martyrs vivent maintenant dans de nombreux pays. Fin de citation. Si le pape pensait évidemment d'abord aux chrétiens, dans leur spécificité, à l'Église dont il est le pasteur, son propos vaudrait aussi bien, sous d'autres formes, pour le monde musulman contemporain. Isabelle Eulandonna, professeure d'histoire du Moyen-Âge à l'Université de Reims, a travaillé de longue main sur les martyrs de la chrétienté dans leur confrontation avec l'islam au cours des siècles passés et sur la manière dont les autorités ecclésiastiques et spirituelles les ont appréhendés, suscités, encouragés, célébrés ou au contraire retenus contre les débordements d'une obsession orgueilleuse et démesurée. Elle va nous faire profiter de sa science au service d'évocation et de réflexion que notre actualité appelle avec une virulence dramatique. Et d'abord, nous allons écouter le cardinal Jean Daniel Loup. En juin 1971, il nous parle du martyr. Eh bien, le terme de martyr, enfin, pour une imagination contemporaine, évoque aujourd'hui surtout l'image de quelqu'un qui souffre. L'enfant martyr, subir le martyr, enfin. Et alors que, en fait, étymologiquement, le mot martyr signifie essentiellement témoin. Il n'implique donc par là même aucune idée de souffrance. Ce qui en effet constitue l'essentiel du martyr, ça n'est pas du tout la souffrance en tant que telle. La mort pour le martyr peut être un élément en effet essentiel, il l'est ordinairement, mais en fait est simplement la conséquence de son témoignage. Et ce qui importe dans le martyr, c'est beaucoup moins d'être au fond l'expression d'un courage héroïque que d'être l'expression d'une foi tellement vigoureuse qu'elle va jusqu'à l'acceptation d'une mise en question totale plutôt que de renier. Celui qui s'oppose au martyr, c'est celui qui renie, celui qui abjure par crainte de la souffrance. Alors ce qui fait la très grande importance du martyr par ailleurs, c'est qu'il est un acte public et pas un acte privé. Le martyr dans l'Antiquité chrétienne est toujours quelqu'un qui se trouve cité devant les autorités publiques pour délit de christianisme. Il exprime donc une certaine tension entre les pouvoirs publics et la foi chrétienne. Et dans presque tous les cas, prenez encore dans le monde contemporain, les martyrs sont presque toujours justement liés au fait d'un État qui n'accepte pas l'existence, n'est-ce pas, du christianisme. Et c'est vrai que le martyr n'est pas un phénomène qui puisse être exceptionnellement lié au christianisme, seulement précisément ce qui fait qu'il a pour un chrétien une valeur exceptionnelle, c'est que ce qu'il exprime, c'est l'intensité d'une foi telle, c'est en quoi il y a là quelque chose qui est une véritable sainteté et pas simplement un témoignage héroïque, d'une foi telle qu'elle ne cède pas devant les pressions du pouvoir. Isabelle Landonna, bonjour. Bonjour. Cette interview du cardinal Jean Danielou a été donnée dans l'émission qui s'appelait « Orthodoxie et christianisme oriental » sur France Culture le 13 juin 1971. Il faut rappeler que le cardinal Danielou, il l'était depuis peu de temps à l'époque, est un jésuite cardinal. La majorité des cardinaux n'appartiennent pas à des ordres réguliers. Et qu'il avait une grande influence intellectuelle, en particulier dans le domaine des relations entre l'Église et le siècle. Il m'a paru qu'il évoque plusieurs des grandes questions que nous allons avoir à nous poser ce matin. Oui, vous avez tout à fait raison. Il donne presque tous les éléments de la définition du martyr chrétien. Il me semble cependant qu'il en manque une, c'est-à-dire qu'il répète que c'est un acte public, qu'il y a la souffrance, qui implique la souffrance, la résistance au nom de la foi. Le témoignage, avec un glissement du témoignage strictement juridique au témoignage de la foi ou pour la foi. Et il manque, me semble-t-il, un petit élément qui est fondamental, qui est que le martyr est une affaire de représentation. C'est l'idée qu'une communauté se fait de la mort des siens. Donc, en soi, le martyr, ça n'existe pas. Un acte de prosélytisme, de propagande religieuse, on dirait presque de communication aujourd'hui, de façon un peu vulgaire. De communication, en tout cas, on peut l'interpréter de cette manière-là dans le monde romain, dans la mesure où la résistance des martyrs, les souffrances des martyrs, le fait qu'on ait utilisé des chrétiens dans l'arène, permet de rendre public ce message à des groupes d'individus, de communautés qui n'avaient pas accès aux moyens de communication, je dirais officiels, et aux canaux par lesquels la religion romaine pouvait exister. Donc il y a bien une dimension de communication et de représentation d'abord et avant tout probablement. Il est important que le cardinal Danielou dise en cette occurrence que le martyr n'est pas une spécificité, une exclusivité chrétienne, puisque nous allons principalement esquisser un parallèle avec le martyr vu du côté de l'islam. Il y a d'ailleurs d'autres lieux, d'autres civilisations où le martyr existe. Après tout, il existe aussi des martyrs bouddhistes. Oui. Alors, dans ce que dit le cardinal Danielou, peut-être est-il utile de rappeler que il y a une question qui se pose pour les historiens et qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait couler beaucoup encore, qui est la question de la filiation entre l'idée d'un martyr juif et sa continuité éventuelle dans le martyr chrétien ou pas. Hein. Oui, vous parlez des juifs, je parlais des bouddhistes. Il y a d'ailleurs aussi des martyrs politiques. Après tout, Jan Palach, qui a contribué à l'évolution des sensibilités en Tchécoslovaquie à la fin du soviétisme, c'est aussi une forme de martyr, non ? Tout à fait, ou bien les tigres tamouls. C'est-à-dire que, encore une fois, l'idée que le martyr est une forme de représentation permet de considérer que, au sein d'une communauté, que la mort d'un individu pour une cause relève du martyr. Mais il y a tout de même une différence entre la sphère religieuse, où la signification, et particulièrement dans le monde chrétien, vaut témoignage, et puis le fait de mourir, de se sacrifier pour une cause politique, où là, finalement, la question de l'héroïsme revient bien plus que du côté chrétien, par exemple, où c'est vraiment le témoignage pour la foi. On vous suit volontiers quand vous évoquez d'abord les juifs, parce que on peut dire que j'ai lu dans vos écrits que, au fond, il y avait guère de martyrs juifs, que c'était une notion qui était, enfin qu'on pouvait discuter en tout cas à cet égard. on peut discuter à cet égard. Disons que les débats portent sur des questions de continuité, mais en réalité, que lorsqu'on regarde les textes, qui sont d'abord et avant tout des textes, des sources scripturaires, toutes sortes de complexités surgissent, des problèmes de datation, des problèmes de typologie des sources, c'est-à-dire dans quel type de texte on fait allusion à ce qu'on pourrait considérer comme des martyrs. Du reste, il y a un terme, le Kiddush Hashem, hein, qui permet de désigner cela. Disons que pour ma part, je suis bien convaincue qu'il y a des formes de filiation, mais ces formes de filiation, elles sont perceptibles dans certains textes qui, par ailleurs, posent des problèmes de datation, et notamment, par exemple, le livre des Maccabées, hein, où on trouve un certain nombre d'occurrences, Éléazar, les sept frères et leur mère, etc. Le livre des Maccabées est un peu à part par rapport au texte de l'Ancien Testament. Oui, puisqu'en plus, il a été exclu du canon hébraïque, de la Bible hébraïque, donc voilà, mais il est dans le canon chrétien. Donc les Juifs, et puis il y a l'influence grecque aussi, puisqu'après tout, le mot, il faut le rappeler, le mot de martyr, qui ne porte pas de « e » lorsqu'il s'agit de personne, mais un « e » à la fin lorsqu'il s'agit de l'acte lui-même. Le mot de martyr vient du grec, martyros, c'est le témoin, et cela est très très important. Oui, alors en l'occurrence, martus en grec et testis en latin, et dans les deux cas, le terme à l'origine est dans la sphère juridique. Hein, c'est l'idée du témoin dans le cadre du tribunal qui vient porter un témoignage, comme on dirait aujourd'hui, témoigner dans un procès. Et donc, il y a un glissement sémantique hein, qui s'opère. Du judiciaire au religieux. Du judiciaire au religieux, c'est-à-dire que le terme lui-même vient, recueille une connotation supplémentaire, en ce sens qu'il s'agit d'un témoignage pour la foi. Pour la foi. Et c'est en ce sens-là que le christianisme élabore la notion. Au départ, il y a Jésus. Est-ce qu'on peut dire que Jésus est un martyr ? Bien, pour les chrétiens, non. Il ne peut pas être un martyr parce que il est mort sur la croix, et les martyrs, ce sont ceux qui témoignent de la mort du Christ sur la croix. Et donc, par conséquent, le Christ, non, ne peut pas être considéré comme un martyr, en tout cas pas comme le premier des martyrs. Le premier des martyrs... Qui est-ce alors ? C'est Étienne ? On dit Étienne, bien sûr, mais en fait... Rappelez qui était Étienne ? Alors, Étienne qui s'est fait lapider, hein, donc on est dans les évangiles, et simplement le titre de proto-martyr, de premier des martyrs, qui est attribué à Étienne, l'est visiblement, d'après les spécialistes, qu'à partir du 4e siècle, c'est-à-dire relativement tardivement. C'est une question qui se pose quand on regarde ces choses, la question de l'histoire du martyr. Pourquoi est-ce qu'il a fallu si longtemps, après tout plusieurs décennies, pour ne pas parler de siècles, pour que l'idée de martyr s'installe au cœur de la foi chrétienne ? Alors, peut-être ne dirais-je pas que l'idée met du temps à s'installer. Ce qui met du temps à s'installer, c'est une tradition textuelle. Dès la fin du 1er siècle, des individus comme Clément de Rome, par exemple, n'hésitent pas à employer le terme, on est vers 90, hein, quelque chose comme cela, à propos de Pierre, et dire, voilà, Pierre est un martyr au sens où un témoin de la foi du Christ, mort en témoignant de sa foi pour le Christ. Ensuite, il y a l'élaboration des traditions textuelles, et le plus ancien... texte en ce sens, qu'on appelle des passions, hein, du verbe latin qui signifie souffrir, hein, date du milieu du deuxième, hein, c'est le martyr de Polycarpe, hein, et donc il y a un temps de latence, si vous le voulez, entre le moment où la notion s'élabore, hein, et le moment où l'historien commence à avoir des sources textuelles par définition, ou épigraphiques éventuellement, pour essayer de comprendre la manière dont les choses ont pu fonctionner. Est-ce qu'on peut dire que dans ces premiers siècles, les chrétiens trouvent dans le martyr le moyen de diffuser un message qui leur est interdit par les autorités l'autorité publique? On retrouve toujours cette idée d'Agnelou, c'est-à-dire relations entre le pouvoir et la religion en marche. Il est clair que cette question de la visibilité, de la nouvelle religion, ou de ce qui est en train de devenir une nouvelle religion qui se distingue très progressivement du judaïsme, cette lente mise en œuvre et distinction passe par le fait que la religion, donc ce groupe, ces groupes de chrétiens doivent être visibles. Alors, de là à dire que le martyr est enduré pour se rendre plus visible, il y a un pas que je ne franchirai évidemment pas. Mais il ne faut pas oublier non plus que dans le martyr antique, le martyr des premiers siècles, il y a une très forte dimension que Daniel Lou n'évoque pas, qui est celui de l'exemplarité qui porte à la conversion. Les martyrs antiques suscitent des conversions. C'est Tertullien qui écrit dès 230 « Le sang des martyrs est semence des chrétiens ». Oui, alors cette citation a été abondamment reprise, y compris très récemment dans l'Église, hein, par Jean-Paul II, par exemple. C'est intéressant parce que Tertullien, lorsqu'il écrit cette phrase mémorable et promise un long avenir, qui signifie en substance que le sang des martyrs, le sang versé des martyrs, permet de planter des églises et de fabriquer des chrétiens, il l'écrit à un moment où il est montaniste. Alors on va peut-être pas entrer dans le détail, mais en gros, les montanistes sont ceux qui, à ce moment-là, au début du IIIe siècle, aspirent au martyr quoi qu'il arrive et considèrent que mourir en martyr, c'est finalement la seule chose que les chrétiens peuvent faire. Alors voilà déjà cette problématique que nous allons retrouver tout au long de cette conversation, Isabelle Landonna, consacrée aux martyrs chrétiens, musulmans, etc. C'est la question de savoir si on recherche ou non le martyr, et si on en est satisfait, si on en sourit. C'est le sourire que on retrouve dans Covadis, film américain, péplum réalisé par Mervyn Leroy en 1951, adapté du roman de Henryk Sienkiewicz qui s'appelait Covadis, qui avait été un immense succès au début du XXe siècle, qui avait valu le prix Nobel à son auteur. 1905, oui. Et on peut rappeler qu'il s'agit de Néron, interprété par l'immortel Peter Ustinov. Je vous le laisse dire. Et voilà un extrait qui est la rencontre entre les autorités romaines en place et les premiers martyrs. Cela est fait absolument pour la compréhension. Écoutez. Il n'a plus de visage, celui-ci. Regardez, encore un qui est mort en souriant. C'est monstrueux de pouvoir mourir avec le sourire. C'est inhumain. Quand on les regarde, ils ont pourtant bien l'air d'hommes normaux. À mon avis, c'est ce Pierre qui a dû les embouter. Oui, c'est cet homme, ce Pierre. Il faut lui réserver un châtiment particulier. C'est toi qu'on appelle Pierre ? C'est moi, Simon, que l'on appelle Pierre. Des témoins ayant rapporté que Pierre cherchait à prêcher la rébellion et blasphémer contre la souveraineté et la divinité de l'empereur, il est décrété en conséquence qu'on le mènera sur la colline du Vatican, où selon l'aveu des témoins, il a fait son premier sermon. Et où, pour le punir, il sera crucifié et exposé à titre d'avertissement pour tous ceux qui, à l'avenir, voudraient s'intituler chrétiens. Mourir sur la croix comme notre Seigneur est une fin dont je suis indigne. Si tu veux, nous nous chargerons de cela. Nous nous chargerons de cela. Il y a un affrontement de conception extrêmement brutal. C'est un autre... Les Romains n'étaient pas prêts à comprendre cela. Un des dirigeants locaux a dit « Mais puisque vous voulez tellement mourir, il y a des falaises pour s'amener qu'à sauter. » Oui, alors les Romains, pas tous les Romains, hein, puisque quand même il y a quand même des Romains qui deviennent chrétiens, d'une part. Et avant qu'ils le devinssent. Certes, mais justement là, l'extrême montre ce moment où, sous le règne de Néron, on a déjà des petites communautés chrétiennes qui sont ponctuellement persécutées ou moins ponctuellement persécutées. Donc une incompréhension. Je pense que l'incompréhension telle qu'elle est mise en scène ici, c'est finalement une incompréhension du sacrifice juste de soi jusqu'à la mort. Regardez, ils sourient, c'est-à-dire qu'en plus, ils ont l'air heureux. Et ça, pour le coup, c'est assez incompréhensible pour les Romains qui, par ailleurs, considèrent ne persécute pas les chrétiens pour les persécuter. Enfin, c'est à la suite de Responsio, de ce qu'on appelle la Responsio Mortifera, un « je suis chrétien », qu'on les massacre ou qu'on les met au jeu du cirque pour de toute façon les tuer. On peut les brûler, on peut les décapiter. On peut en faire des torches vivantes. Bon, et puis alors, à la différence des gladiateurs et disons des acteurs de ces spectacles extrêmement violents et où la mort est indispensable, hein, eh bien, ces chrétiens ne se défendent pas. Les gladiateurs répondent. Et en même temps, on voit dans ces moments-là, dans ces premiers siècles, on voit le martyr évoluer, hein, les causes du martyr, puisque il commence d'esquisser l'apparence d'être offensif. Je veux dire que les chrétiens en viennent à empêcher, par exemple, les libations. Ils témoignent pas seulement de façon passive, mais on glisse progressivement à l'idée d'un assaut, d'une affirmation. Ce fameux Afanios qui empêche une libation, vous en parlez dans plusieurs de vos travaux, Isabelle Landonna. Oui, alors disons que la dimension offensive, au départ, elle n'est pas évidente. Seuls quelques-uns, peut-être, se sont manifestés. Disons que les cultes pratiqués par les Romains, par définition, contreviennent à l'idée que les chrétiens se font de leur propre religion et donc, par conséquent, réprouvent ces cultes. En fait, l'opposition violente est plus tardive et peut-être est-ce une occasion de dire que il est utile de considérer la persécution des martyrs ou de la persécution tout au court sur un temps un peu long pour essayer d'en percevoir l'escansion et surtout pour comprendre que les persécuteurs ont varié en fonction des temps et des époques. Et finalement, sous Théodose, ce sont les païens qu'on finit par persécuter aussi. Donc la question des séquences de temps est tout à fait importante à considérer. Alors, je voudrais que nous commencions d'esquisser le parallèle avec ce que seront les martyrs de l'islam à partir du moment où celui-ci s'impose, c'est-à-dire quelques siècles plus tard. Je me réfère pour cela à un livre passionnant de Farhad Khosrokhabar, qui est un auteur iranien, Les nouveaux martyrs d'Allah, un livre qui est paru au début des années 2000, à peu près au moment des assauts contre les tours américaines, contre le World Trade Center, oui. Mais qui est d'une certaine façon prémonitoire par rapport à nos inquiétudes d'aujourd'hui, même s'il est longtemps avant Salah Abdeslam. On peut dire que j'avais fixé cette émission avant de savoir que l'actualité nous rejoindrait. Je vous renvoie à l'émission de tout à l'heure, le secret des sources ce matin, où on en parlait abondamment. Oui, alors dans l'islam, les choses sont quand même très différentes, mais l'intérêt du livre de Farhad Khosrokhabar, qui est sociologue, hein, et d'avoir étudié un petit peu le sujet auprès de groupes de jeunes au début des années 2000, et à cet effet, il se replonge dans une sorte d'archéologie de la résurgence du martyr dans l'islam et la date de la guerre Iran-Irak. Hein, où l'on voit ressurgir dans l'islam cette idée d'aller mourir pour la foi. Donc on est dans les années, début des années 80. Hein, voilà. Une guerre terrible qui a opposé des chiites sunnites aussi. Oui, et qui a produit des martyrs, sachant que l'Iran est un pays chiite et que le martyr chez les chiites a une dimension tout à fait particulière. Alors peut-être serait-ce l'occasion de revenir sur quand même quelques différences par rapport au christianisme. Hein, le martyr dans l'islam, les traditions textuelles sont toujours d'une très grande complexité et convient d'être prudent, mais néanmoins, il y a une association dans le Coran comme dans les hadiths entre martyr et combat. Un martyr et combat, ce qui n'est pas exactement le combat armé, j'entends, ce qui n'est pas exactement le cas dans l'émergence de la notion de martyr chrétien. Là, ça fait une différence substantielle. Un martyr de l'islam peut être un combattant qui est tombé dans la guerre, sur le chemin de Dieu. Absolument. On peut observer néanmoins que la question se posera à l'Église au moment des croisades, un peu plus tard. Oui, au moment des croisades, avec les Milites Christi, hein, les chevaliers du Christ que sont certains croisés. Là, on devient de nouveau offensif. Alors, on devient offensif et il y a peut-être, est-ce utile de le signaler à nos auditeurs, il y a des débats entre les historiens pour savoir finalement comment ces Milites Christi ont été considérés. En substance, et pour résumer les choses de manière un peu simple, mais juste, je crois. Je vous en remercie, soyez simple et juste, c'est ce que j'attends de vous. En l'occurrence, on promet aux croisés la rémission de leurs péchés. Ensuite, selon les types de textes, on trouve des chroniques, des récits qui expliquent que ces soldats du Christ escomptaient pour certains d'entre eux le martyre. N'en quoi, on n'en a jamais reconnu officiellement aucun. Je ne sache pas qu'il y ait jamais eu de culte rendu à des milites Christi morts durant les croisades. D'ailleurs, pas plus que des cultes de pèlerins armés, dirais-je. Donc il y a une forme de réticence. Enfin, je ne sais pas si c'est une forme de réticence. Et de toute façon, la papauté ne pouvait pas promettre a priori la palme du martyr. Tout au plus promettait-elle, lors de l'appel d'Urbain II, qui ne nous est connu que par des sources qui rapportent l'appel de la croisade et pas par Urbain II. Urbain II, c'est quand ? L'appel d'Urbain II, 1095, à la fin du XIe siècle, à Clermont. Et cet appel de Clermont n'est connu que par des sources qui le rapportent et qui ne disent pas que le pape aurait promis quoi que ce soit, ce qu'il était bien incapable de faire hier comme aujourd'hui. Sur la différence des deux civilisations, des deux traditions religieuses, une archive que je vous propose, Isabelle Landonna, qui est une interview d'un grand photographe iranien, Abbas. C'est extrait de l'émission des Temps modernes diffusée sur France Culture le 18 octobre 1997 et où il évoque le culte du martyr et Ashura. Nous allons voir ça, écoutez. Quand vous avez par exemple 200 personnes qui se frappent la poitrine en cadence et avec des chants, de très beaux chants perses modulés comme ça, avec des chanteurs, c'est beau. C'est une beauté sombre, c'est une beauté noire. C'est là, effectivement, peut-être, je crois que c'est la première fois où je me suis vraiment, vraiment senti iranien. C'était peut-être le deuil chiite. On n'échappe pas à sa condition, quoi, si vous voulez. Et puis on se rend compte que peut-être beaucoup de choses qui sont en vous, par exemple cette fascination que j'ai pour la mort, pour la violence, pour le noir, qui se voit dans mon travail depuis 25 ans, depuis 30 ans, on le voit. C'est là que je me suis dit peut-être cette fascination vient justement de ma culture iranienne. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi que cette Ashura, est-ce que vous diriez que ça participe de ce culte du martyr qui existe très fort en Iran, qui a commencé au moment de la Révolution et qui se prolonge aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, je crois que ça a commencé bien avant la Révolution, mais c'était latent, et puis disons ce n'était pas encouragé. Donc depuis la Révolution, qui est une révolution religieuse, c'est plutôt encouragé. Et je crois que c'est ce qui a permis à la guerre de durer pendant 8 ans, et ce qui a permis à des jeunes gens de 12 à 14 ans d'aller déminer en se faisant sauter sur les mines avec élan, avec joie presque. C'est ça, c'est ce culte du martyr, parce que le martyr, il faut le mériter. Il faut le venger, mais il faut aussi le mériter. Il faut être digne de son souvenir. Il y avait des slogans sur les murs. Les martyrs vous demandent « qu'avez-vous fait ?» C'est une question terrible, ça. Les martyrs vous demandent, ceux qui sont morts vous demandent « qu'avez-vous fait ?» À vous, c'est-à-dire « qu'avez-vous fait de la Révolution ? Qu'avez-vous fait de votre vie ?» Vous voyez. Ah oui, une des premières choses qui m'ont frappé à Téhéran, c'est que la ville est dominée par les morts. Le photographe Abbas était ici interrogé par Marie-Christine Navarro. Alors, il parle de cette Ashura de... Alors l'Ashura, cela signifie 10. Hein, c'est le dixième jour du premier mois du calendrier musulman. Alors dans l'islam, l'Ashura, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais qui a pu prendre des formes particulières. Mais puisque Abbas est iranien, il dit « je suis iranien, je suis de culture iranienne », mais enfin bon, il est surtout chiite, enfin d'une culture chiite. On revient à l'opposition chiite-sunnite, nous l'avons traité. Alors l'Ashura, nous l'avons traité longuement récemment dans une émission avec Gabriel Martinez-Gros. Et on rencontre là précisément des oppositions, des différences majeures. Oui, alors disons que dans le chiisme, les chiistes vénèrent la mort, l'assassinat au cours d'une bataille et puis la décapitation du petit-fils du prophète, Hussein, à Kerbala. Et donc la commémoration de cet événement donne chaque année lieu à un pèlerinage qui draine des centaines de milliers de personnes et à des manifestations. Les gens peuvent se fouetter, comme il l'explique. Enfin bref, c'est quelque chose d'extrêmement démonstratif. massif et qui du reste n'est pas sans rappeler des formes de procession dans le christianisme de certaines époques. Donc on commémore ce massacre et cela donne évidemment l'idée que les martyrs, et il l'explique très bien, hein, sont devenus au moment de la révolution iranienne quelque chose qu'on a ressourcé en quelque sorte, hein, mais qui est très présent dans le chiisme. Simplement les nouvelles, le nouveau pouvoir religieux, hein, encouragé, et d'autant plus dès lors que le pays s'est engagé dans la guerre contre l'Irak. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est que par rapport au christianisme, l'effusion du sang n'est pas forcément nécessaire. Et dans le christianisme, on a développé toute une typologie du martyr qui va du martyr de sang au martyr blanc, c'est-à-dire au martyr de l'ascèse, celui des moines. Les moines blancs. Voilà. Enfin, les moines blancs, c'est pas les moines qui sont blancs, c'est leur martyr. Martyr d'ascèse. Et ce martyr d'ascèse, selon quelqu'un comme Grégoire le Grand, par exemple, hein, dans ses dialogues, on est au 7e siècle, Grégoire n'hésite pas à expliquer que finalement, à bien y réfléchir, bon, d'une part, les moines, par leur ascèse, sont les successeurs naturels des martyrs de sang dans un monde limité, certes, mais qu'ils considèrent comme devenus chrétiens. Il faut aller au-delà des marges de ce monde chrétien pour trouver le martyr. Et donc, le martyr d'ascèse, le martyr blanc, vaudrait finalement bien plus que le martyr de sang, parce que le martyr de sang peut être connu par quelqu'un à la fin de sa vie, d'une vie qui ne serait pas forcément très bonne, alors que les martyrs blancs, les moines, souffrent l'ascèse toute leur vie et à ce titre seraient finalement de meilleurs martyrs, entre guillemets, que les martyrs de sang. Vous évoquez le fait que désormais les martyrs, en tout cas ceux qui sont ceux de sang, se déroulent aux marges, puisque à l'origine c'est à l'intérieur de la civilisation romaine qu'on les voit apparaître, mais à partir du moment où ils ont triomphé, pour l'essentiel, c'est désormais aux frontières que se portent, et on commence de voir s'esquisser les futurs martyrs missionnaires. Voilà, alors vous touchez là un point tout à fait essentiel, hein, qui est finalement comment passer le moment où l'Empire est devenu chrétien, que fait-on de cette idée, étant entendu que qu'est-ce que fait-on des martyrs, étant entendu que dans l'ordre de la sainteté, dans la hiérarchie qui se met parallèlement en place de la sainteté, vous avez en premier lieu la Vierge, en second lieu les apôtres et en troisième lieu les martyrs. Donc dès lors qu'on ne peut plus en fabriquer à l'intérieur, on va en fabriquer à l'extérieur, et la question se pose de savoir si le martyr est devenu impossible à l'intérieur de la chrétienté, d'où l'idée des moines et de l'ascèse qui vaut martyr. Avec la grande question des autorités habilitées à décider qu'il s'agit d'un martyr, c'est la grande différence avec l'islam. Là, il n'y a pas d'autorité véritablement autorisée à fabriquer, si je puis dire, des martyrs officiels. C'est une grande différence. C'est une grande différence, et du reste, la reconnaissance du martyr vaut d'abord par la communauté qui va le reconnaître comme tel, et puis à mesure que se met en place dans le christianisme ce qu'on appelle la procédure de canonisation, hein, si bien étudiée par André Vaucher, à partir du 11e, 12e siècle, on met en place une procédure pour reconnaître officiellement la sainteté, et évidemment, les martyrs en font partie. Mais pour revenir à ce que vous disiez précédemment, de fait, à partir de la conversion de l'Empire, l'idée, c'est d'aller chercher le martyr à l'extérieur. Donc on en a de toutes sortes, si je puis dire, 8e, 9e, 10e siècle. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la manière dont la notion ressurgit au 13e siècle, en fait. Et c'est là qu'on en arrive à votre cher 13e siècle. Oui. On en arrive à François d'Assise. Vous évoquiez André Vaucher, c'est un grand spécialiste, comme Jacques Dallarin aussi, qui a trouvé des documents récents, très nouveaux, de François d'Assise. Vous en êtes aussi la spécialiste, François. Isabelle Landonna, je vais vous faire entendre un extrait du film de Franco Zeffirelli, qui était sorti en 1972 avec Graham Faulkner, enfin c'est doublé, dans le rôle de François. François et le chemin du soleil, qui évoque un moment essentiel pour... la question que nous évoquons ce matin, celle des martyrs, en parallèle avec entre le christianisme et l'islam, c'est une rencontre avec le sultan Al-Kamil. On est en 1219. Rajnou ! Si cet homme n'est pas fou, c'est un espion. Voici une pièce d'or. Et va dire à Ali de le tuer sur le champ. Amène-le ! Allez ! Je ne suis l'ennemi d'aucun homme. Le dieu de l'amour m'a envoyé te parler, roi de l'Orient. On me dit que tu parles aux animaux. et qu'ils comprennent tes paroles. Si cela est, c'est parce que je les aime comme j'aime toutes les créatures de Dieu. Tu nous aimes aussi, tes ennemis? Oui, certes. Ce Dieu dont tu parles, pourquoi t'a-t-il envoyé me voir? Pour atteindre ton cœur. Non avec le glaive, mais avec son amour. L'amour qui est dans mon cœur. Oh, que d'amour! Cherches-tu à te rendre avec tes armées? Ces armées ne sont pas à moi. Je ne demande que la paix. Comment faire la paix si vous ne vous rendez pas? Si tu embrassais la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, la paix ne pourrait que suivre. Je n'ai pas appris ton langage pour entendre ces insultes. Cherches-tu à mourir? Je suis prêt à mourir pour la paix. Tu auras la mort d'un brave, mais tu n'es pas raisonnable. Tu veux que je glorifie ton Christ, mais je te réponds, toi viens à Mahomet. Tu embrasseras la foi du grand prophète de Dieu. Là aussi réside la paix. Ordonne à tes serviteurs d'allumer un grand feu. Laisse-moi avec tes prêtres entrer dans les flammes. Ainsi Dieu pourrait nous montrer de quel côté est la foi la plus forte. Mes prêtres ne semblent pas désireux de se soumettre à ton épreuve. Cependant, je vais veiller à ce qu'ils relèvent ton audacieux défi. Faites dresser un bûcher devant la tente. Par Allah, je t'en supplie, ne me sacrifie pas à la folie de cet homme. Allah a été mal servi aujourd'hui. Mais la peur de quelques prêtres ne suffit pas à prouver que tu as raison. Alors je vais entrer dans le feu tout seul. Tu n'as donc aucune crainte? Je ne crains que mes péchés. Car si je devais périr, ce ne serait que par leur faute. Mais si Dieu me protège, tu devras admettre que sa puissance et sa miséricorde sont très grandes. Je l'admettrai. Alors tu vas promettre en ton nom et en celui de ton peuple que si je sors sain et sauf de ce bûcher en flammes, tu embrasseras la foi de mon Dieu. Qu'est-ce qui peut te donner un tel courage? Ta foi ou l'aveuglement? Ma foi en l'amour de Dieu. Alors, Isabelle Landonna, cette histoire telle qu'elle est reconstituée dans ce film, elle vous paraît avérée? C'est peut-être difficile à dire parce qu'on a peu de témoignages immédiats de ce qui s'est passé. On a peu de témoignages immédiats. Mais pour notre propos sur le martyr, cette affaire-là est extrêmement intéressante parce que elle s'inscrit dans une séquence hagiographique de récits de la vie de François qui prévoit par trois fois de se rendre chez les infidèles pour leur porter la parole du Christ dans une démarche de paix. Comme il est dit, il insiste lourdement et c'est juste. Je veux dire par là que tout le monde s'accorde à dire qu'il ne s'agissait pas pour lui de faire des choses qui relevaient de la provocation. Ceci posé, tout le monde, son entourage, pensait qu'il n'en reviendrait pas vivant, puisqu'on est dans le contexte de la croisade, et il quitte les armées pour se rendre dans le camp du sultan et lui expliquer « convertis-toi », etc. Et tout le monde pense qu'il n'en reviendra pas vivant. Or, de fait, il revient vivant. Et l'attitude de François, la manière dont les récits hagiographiques la restituent, est aussi à l'origine de cette résurgence du martyr chez les franciscains, sachant que, d'une part, François lui-même avait un désir du martyr, et c'est dit textuellement dans les sources, et d'autre part, cette idée d'aller convertir les infidèles avec des conséquences qui pouvaient être dangereuses pour les frères est inscrit dans les deux règles franciscaines, celle de 1221 et celle de 1223, qui est toujours la règle des frères franciscains aujourd'hui. On agrée cette idée d'aller chercher le martyr et non pas de le subir quand on vous l'impose, ce qui est évidemment une coupure essentielle entre deux interprétations, deux quêtes. Oui. Dans la règle, on explique qu'il faut aller chez les Sarrasins et autres infidèles, hein, c'est le titre de la règle, pour leur porter la parole de Dieu. À partir de là, il y a deux attitudes possibles, dit la règle de 1221, dire qu'on est chrétien et ne pas faire de vagues, en quelque sorte, ou bien être un petit peu plus offensif, c'est-à-dire annoncer publiquement la parole de Dieu, ce qui peut, dans l'espace public musulman, peut avoir des conséquences. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, que j'ai particulièrement étudié, c'est justement cette voie dans laquelle s'engagent certains franciscains du martyr volontaire, très particulièrement et très précisément dans l'espace musulman, à quelques rarissimes exceptions près. C'est ce qu'un homme comme Voltaire, par exemple, au XVIIIe siècle, ne parviendra pas à comprendre. Il daube, il se moque de ce fanatique, sa folie d'aller chercher comme ça à convertir un islam qui d'ailleurs est présenté dans ce film et ailleurs, incarné dans un sultan qui est étonné, bienveillant et finalement sauve la vie de François avec un mélange d'attention, de curiosité, de distance et d'ironie. et d'ironie dans le film en tous les cas, parce que pour le reste, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est intéressant ici, c'est que ce passage qui concerne François est complètement transfiguré dans le récit des premiers martyrs de la Passion, des premiers martyrs franciscains de Marrakech de 1220, où le texte hagiographique, qui est long et un petit peu tardif, hein, on n'a pas d'attestation avant le XIVe siècle, démontre très clairement qu'ils viennent plutôt provoquer. Et là encore, les autorités musulmanes font preuve d'une grande patience. On les reconduit 2-3 fois à la frontière, si je puis dire, hein, c'est-à-dire qu'on essaye de leur refaire passer le détroit de Gibraltar, et puis ils reviennent jusqu'au moment où on ne peut pas faire autrement, si je puis dire, que de les tuer, puisqu'ils provoquent publiquement, et ils disent que Mahomet est un faux prophète, etc., etc. Ce qui vaut la mort. Ils cherchent vraiment le martyr. Ils cherchent le martyr. Cela renvoie un certain nombre de comportements de fanatiques musulmans contemporains, d'islamistes, non ? Oui, alors il faut être extrêmement prudent dans les comparaisons. Ils recherchent le martyr volontaire, mais enfin leur but n'est pas de tuer autour d'eux. Eux-mêmes, finalement, aspirent à la mort et à cette mort glorieuse. Mais le but n'est pas de tuer qui que ce soit autour d'eux. Ceci posé, ce genre de comportement pouvait avoir des conséquences pour les communautés chrétiennes. Et du reste, on a une lettre pontificale de 1225 du pape Honorius III, qui, dans des termes très pontificaux, c'est-à-dire un petit peu contournés, n'est-ce pas, dit qu'il faut que ces missionnaires, avant la lettre, se comportent correctement, qu'on ne les chasse pas, que les chrétiens ne les chassent pas, et qu'ils doivent avoir un comportement irréprochable, ce qui laisse supposer que certains, peut-être, ne l'avaient pas, et aller un petit peu au-delà de ce qui est permis de faire pour sauver non seulement sa propre vie, mais surtout faire en sorte que les communautés chrétiennes n'aient pas trop d'ennuis ensuite. On trouve la même problématique dans des événements qui surviennent à Jérusalem. Alors, en réalité, il y a toute une série de martyrs. D'abord, il y a celui de 1220. Ensuite, il y en a un certain nombre à la fin du XIIIe siècle dans le contexte de la chute des États latins. Et puis, au XIVe siècle, chez les franciscains, vous avez toute une série de textes. Je dis de textes parce que, finalement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais qui restituent probablement quelque chose de réel. Une série de textes qui mettent en scène des frères qui partent. Qui au Caire, qui à Jérusalem, s'installe dans des couvents et puis tout à coup décide d'en sortir avec des textes qu'on va lire en place publique, qui disent des choses affreuses, qui pénètre insultent. Dans les mosquées, et quatre martyrs, ils étaient cinq au Maroc, ils sont quatre à Jérusalem. Alors, et naturellement, ils créent souvent du mécontentement chez les autres, chez les moines par exemple, qui occupent dans une tolérance relative les lieux saints à Jérusalem et qui n'ont pas envie qu'on attire la foudre sur eux. Absolument. Et donc, il faut replacer ces textes et ces actions dans le contexte occidental, bien plus que dans le contexte de Jérusalem ou de, vous voyez, d'un quelconque indice des rapports entre les chrétiens et les musulmans. En réalité, les frères sont censés produire des conversions par la mission et ils ne s'en produit aucune, et tout à l'inverse, hein, dans l'Empire mongol, par exemple, les Mongols passent à l'islam et ne se convertissent absolument pas au christianisme. De sorte que, et pour revenir par exemple à l'exemple que vous citiez des martyrs de Jérusalem de 1391, il y a une question de finalement de légitimité de la mission des frères qui gardent, qui ont une installation au Mont Sion, qui ont un couvent au Mont Sion, et donc le récit auquel vous faisiez allusion est très intéressant, d'abord parce qu'il est conservé dans les archives pontificales et c'est assez rare, hein, on dispose en général de textes hagiographiques purs ou transmis par des chroniques, et raconte comment quatre frères tout à coup décident, on ne sait pas très bien pourquoi, à l'improviste, tout en étant solide théologiquement, etc., d'aller porter la parole en place publique et en insultant ou en critiquant le prophète, en expliquant aux musulmans qu'ils vont tous être damnés. Bon, alors donc, au bout d'un certain temps, évidemment, ça provoque la colère d'abord de la population. Et on essaie, les autorités musulmanes semblent avoir un petite réticence au départ à leur faire mauvais sort. Et puis finalement, ils sont tués. Et donc la communauté les considère comme des martyrs. Il faut voir que l'on passe progressivement de l'offensive des croisades à une expansion musulmane de siècle en siècle, et qu'évidemment cela change le comportement de l'Église catholique. Et je voudrais que nous évoquions, Isabelle Landonna, maintenant l'évolution des choses, disons, à partir du XVIe et du XVIIe siècle. Parce que l'Église évolue en face d'une situation qui elle-même a beaucoup changé. une situation, un sentiment obsidional, on est assiégé au lieu d'attaquer, forcément cela pèse avec d'autres domaines, avec d'autres données, c'est-à-dire la réforme, l'extension du catholicisme à l'échelle mondiale, et puis un contrôle plus étroit de la sainteté par le pape, plus centralisé. Ce sont trois éléments qui viennent faire évoluer cette notion de martyr reconnue comme telle par l'institution ecclésiale. Je crois que ce qu'il faut dire avant même cela, c'est cette méfiance, relative méfiance vis-à-vis de la sainteté martyr se manifeste par le fait que entre 1253 et 1481, l'Église ne reconnaît officiellement, à l'issue d'enquêtes et de procès de canonisation, aucun martyr. Donc on a presque deux siècles et demi durant lesquels l'Église ne fabrique pas de nouveaux martyrs à inscrire au calendrier universel. Ça, c'est un premier point. Ça dit une forme de méfiance. Ensuite, les choses changent un peu à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, où là, on voit justement la reconnaissance du culte de certains martyrs franciscains, hein, en 1481 d'abord, dans un contexte très particulier, hein, à la suite du siège d'Otrante par les Ottomans et du massacre de la population d'Otrante, et puis encore au début du XVIe siècle, en 1516, la reconnaissance d'un autre groupe de martyrs franciscains. Et ensuite, de fait, le problème du martyr pour l'Église est double. C'est à la fois le pinacle de la sainteté accessible aux êtres humains ordinaires, je dirais, mais extraordinaires par définition. Et en même temps, c'est très incontrôlable. Très, très incontrôlable. Et dès lors qu'il s'agit de reconnaître la sainteté d'individus qui sont morts très, très loin, où les témoignages sont forcément ancrés dans leur environnement immédiat, où la nécessité de démontrer les miracles dans lesquels se trouve la papauté est peut-être difficile, tout cela, c'est autant d'obstacles finalement à une reconnaissance officielle de la sainteté. Voilà. Alors ensuite, à l'époque moderne, dont je ne suis pas spécialiste, on voit effectivement les choses se restreindre peut-être encore un petit peu plus, hein, après un mouvement finalement d'expansion du martyr. Par exemple, les jésuites, dans le cas des missions, recherchent explicitement le martyr. Et c'est Urbain VIII qui met un petit peu un frein à tout cela. Et encore, c'est la quête. Est-ce qu'il est légitime d'aller chercher le martyr? L'Église à cet égard, a été de plus en plus restrictive à mesure que le temps est passé. Oui, alors il faut peut-être réintégrer cette restriction dans une volonté de contrôle toujours plus fort de ce qui fait la sainteté, de la manière de comment dirais-je, d'enquêter sur la sainteté et de la sanctionner officiellement. Avec méfiance peut-être en face de la martyrologie populaire qui est envahissante. C'est clair au moment du Concile de Trente, en 1545, au milieu du XVIe siècle. Oui, alors ce qui fait la différence fondamentale, enfin, ce qui pose problème finalement, c'est que il y a un lien entre martyr et grâce, et compte tenu de la position des protestants sur la grâce, à l'issue du Concile de Trente, on se rend compte que effectivement le martyr est abordé dans la session sur la grâce. Et il y a une forme de rejet de la certitude de la grâce. Donc il y a une fermeture de la théologie du martyr dans un esprit anti-luthérien de manière assez explicite au moment du Concile de Trente. Et nous constatons dans la période très récente, 19e et surtout 20e siècle, et Jean-Paul II, un essor du nombre de canonisations de martyrs. Le culte des martyrs reprend une énergie nouvelle sur laquelle il faut probablement s'interroger. Je vous propose une interview de Monseigneur Tessier, archevêque d'Alger. C'est le successeur du célèbre Monseigneur Duval qui avait été le prélat de l'époque de la guerre d'Algérie. Monseigneur Tessier, archevêque d'Alger, est interviewé par Emmanuel Delattre en le 8 mai 2000 dans l'émission Intermatin sur France Inter. Nous allons l'écouter puis vous me commenterez cela. À Rome, l'hommage de Jean-Paul II aux martyrs chrétiens du XXe siècle, victimes du nazisme, du fascisme et du communisme ou victimes des guerres tribales, tous ces chrétiens sacrifiés par l'idolâtrie de l'État ou de la race, Combien d'entre eux ont payé leur attachement au Christ, a lancé Jean-Paul II, qui pour célébrer leur mémoire avait choisi le Colisée de Rome, l'endroit même où avaient été massacrés les premiers chrétiens. Symbole parmi d'autres de ces meurtres pour délits d'opinion ou de religion, l'Algérie est au premier plan. On se souvient des sept moines de Tibérine tués par le GIA, ou de Monseigneur Clavry, l'archevêque d'Oran, assassiné en août 96. L'archevêque d'Alger, Monseigneur Tessier, lui, n'a pas oublié, ce qui pour lui donne d'ailleurs beaucoup plus de sens encore aux propos du pape. Je crois qu'en portant le regard sur toutes ces souffrances du XXe siècle et sur toutes ces personnes qui ont été victimes de leur conviction, non seulement de leur idéal évangélique, mais beaucoup d'autres, simplement de leur combat pour une humanité plus fraternelle, cela permettait de situer notre propre souffrance dans ce contexte plus large. Et le pape nous invite à faire un XXIe siècle qui ne soit pas soumis aux mêmes horreurs et où il soit plus facile de construire ensemble une fraternité aux dimensions du monde. Une fraternité aux dimensions du monde. On peut interpréter cette formule. Oui, pourquoi Jean-Paul II a-t-il été aussi généreux? 800 victimes d'Otrante, vous évoquez tout à l'heure, sont simultanément béatifiées. Il faut peut-être distinguer la béatification et la canonisation dans l'histoire des martyrs. Dans l'histoire de la sainteté tout court, hein, c'est une invention relativement récente. Pour la période qui est la mienne, on canonise sans passer par la case béatification qui n'existe pas encore à ce moment-là. Alors peut-être quelques observations rapides sur l'interview de Monseigneur Tessier. En réalité, Jean-Paul II a énormément canonisé et béatifié. Dans les canonisations, les 4/5 des canonisés, des saints, des nouveaux saints, sont des martyrs, le sont avec le titre de martyr. Et dans les béatifications, sont les 3/4 qui le sont avec le titre de martyr. De sorte que il a pu dire que l'Église était une nouvelle Église des martyrs, avec cette idée que le monde, la fin de l'histoire du deuxième millénaire et le début du troisième, engageait à considérer cette question aussi dans une perspective un petit peu œcuménique. Et c'est du reste ce que essaye de dire Monseigneur Tessier à propos de la fraternité. Il y parvient même d'ailleurs, voilà, il y parvient. En englobant toutes les confessions chrétiennes, quelles qu'elles soient. Il y a une autre chose qu'on pourrait peut-être dire, c'est quelques contorsions de l'Église qui reconnaît parfois très tardivement ses saints, et c'est Paul VI qui a canonisé les martyrs de Jérusalem de 1391 en 1970, et dans l'homélie, il essaie, en s'appropriant les sources médiévales, de démontrer que ces martyrs étaient certes naïfs, parce que quand même, ils sont allés provoquer, c'est ce que disent les sources, mais que malgré tout, ils aimaient l'islam et ils aimaient leur prochain. Paul VI déclarait en effet, il ne haïssait pas le monde musulman, au contraire, à leur manière, il l'aimait, et sans doute l'aime-t-il encore, et incarne-t-il par leur histoire l'aspiration chrétienne envers le monde musulman. Ce qui nous ramène finalement au point de départ de notre émission, Isabelle Landonna, c'est-à-dire le parallèle, différence, ressemblance, oui. Différence éclatante, mais aussi point commun entre les martyrs c'est... tels que reconnus, de façon moins centralisée par l'islam, telle que suscitée par les violences actuelles, et d'autre part l'Église et les martyrs catholiques. Il n'y a pas dans l'islam une instance qui reconnaisse les martyrs au même titre que l'Église et les procédures de canonisation qui permettent d'aboutir à une ou de béatification qui permettent d'aboutir à une reconnaissance officielle. Oui, bien sûr, c'est une notion qui parle aux deux mondes. Et du reste, dans les événements qui nous affectent depuis une date relativement récente, voyez bien la manière dont, dans la presse, on utilise de manière récurrente le titre pour qualifier les terroristes qui se font sauter. On dit, voilà, les martyrs, etc. C'est un peu dangereux, du reste. Oui. Moi, personnellement, je suis toujours un petit peu fâchée de lire ou d'entendre ce titre, parce que c'est finalement reprendre leur terminologie et accroître l'idée que peut-être ils sont dans une voie acceptable d'un certain point de vue, alors sans doute de leur point de vue, mais est-ce que c'est une bonne manière que d'attribuer cette qualification du point de vue qui est le nôtre? J'en doute. Le point commun, c'est l'affirmation du salut, de la recherche du salut, mais pour le reste, je ne suis pas mécontent que nous terminions en effet en insistant sur cette différence, que nous terminions cette conversation qui est bien sûr éclatante, quelle qu'ait été la légitimité de ce rapprochement proposé dans cette émission, non? Oui, disons que entre un terroriste qui se fait sauter et un martyr qui va provoquer, il y a quand même un monde et la ligne de partage des eaux est quand même assez fondamentale dans la mesure où le premier tue autour de lui et le second non. Donc c'est tout de même une différence plus que substantielle. Merci beaucoup Isabelle Landonna. Donc nous avons parlé en direct du Salon du Livre. Il y a d'ailleurs un certain brouhaha en arrière-fond, j'imagine que vous l'avez entendu. Vous avez préfacé un livre de Marc Bélissa et Monique Cotteret, qui sont les organisateurs, qui s'appelle Le Martyr, avec un E entre parenthèses, pour marquer le double sens du mot. Nous en parlions tout à l'heure, à la fois les auteurs, les acteurs et le fait du martyr, Moyen-Âge et temps moderne, aux éditions Quimet en 2010. Vous allez nous donner bientôt un livre de synthèse. Je vois que vous avez écrit beaucoup de choses, mais il faut que vous liiez la gerbe. C'est notre espoir et c'est mon incitation. C'est mon incitation. Le manuscrit qui est écrit, il faut l'arracher. Vous le promettez publiquement. Je vous le promets publiquement. Coram populo, comme on dit au Vatican. Coram populo. Très bien. Le livre de Marie-Françoise Bachelès, Les persécutions dans l'Antiquité. Ça nous ramène à la période primitive de notre conversation. Victime, héros. Martyr, paru chez Fayard en 2007. Et puis, j'ai cité également le très précieux ouvrage de Farhad Khosrokavar, Les nouveaux martyrs d'Allah, paru chez Flammarion en 2002. Vous l'appréciez ce livre, non? Vous l'appréciez? Beaucoup. Il nous apporte beaucoup d'éléments. Oui, c'est une perspective de sociologue, mais qui est toujours très intéressant pour les historiens, dans la mesure où il revient sur une forme d'archéologie de la notion dans l'islam. Et donc, voilà, c'est un très beau livre, très intéressant, y compris 14 ans après qu'il a été écrit. Qui est fondé à la fois sur des interviews, nous dit-il, oui, et sur l'analyse des textes sacrés. Il essaie de comprendre en réalité comment le martyr peut séduire certaines communautés jeunes, etc. Et c'est très très édifiant, sachant qu'il l'a écrit en 2002. Enfin, je veux dire, c'est un livre qu'il faut relire, parce qu'il est d'une assez brûlante actualité, je crois. Et puis il est iranien, ce qui donne une coloration... Oui. Particulière. Bien sûr, ça nous renvoie au témoignage d'Abbas que vous évoquiez qu'on a entendu tout à l'heure. Quoi. C'est aussi un des fils de la guerre qui a opposé l'Irak et l'Iran, qui, pour absolument, l'histoire de ces martyrs de l'islam, est évidemment fondamental. Oui, absolument. C'est fondamental et en même temps, encore une fois, il faut, je crois, replacer tout cela dans un contexte un petit peu plus large, en typologisant bien à la fois les sources qui nous en parlent et les époques concernées. Samedi prochain, je rappelle auparavant que vous allez trouver une bibliographie complète sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores qui ont été utilisés par nous, et vous pourrez réécouter, télécharger cette émission pour en tirer mieux encore qu'en direct tout le suc. Samedi prochain, nous parlerons de l'Apocalypse au XVIe siècle. Nous ne nous éloignerons pas tellement de ces interrogations. Pour montrer qu'il y a des feux contemporains. C'est une émission que j'avais prévue précédemment, mais qui a été reportée du fait d'une grève. Et je recevrai, pour en parler, l'éminent spécialiste qu'est Denis Crouzet. C'était Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Nathalie Lempereur avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée par Patrick Molinier. À la prise de son, ils sont deux puisque nous sommes en direct du Salon du Livre, Clément Daté et Gilles Manet, avec aussi, je les salue, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Aude Vassan pour les archivinas.